Le philosophe Avorinus disait qu'une louange mesquine et froide est plus fâcheuse qu'une censure aigre et violente. En effet, ajoutait-il, plus l'homme qui blâme et médit met d'amertume dans son langage, plus il s'expose à passer pour injuste et haineux, et à n'être cru la plupart du temps de personne. Au contraire, celui qui laisse échapper comme à regret une froide parole de louange semble accuser l'ingratitude du sujet. On le prend pour un ami qui veut louer et qui ne trouve rien à louer.